Gros malaise dans, on n'est pas couché, une capote volante, sauvage apparaît, d'où pouvait-elle bien provenir? Laurent Ruquier esquisse un petit sourire. Oups, désolé, j'ai pas fait exprès. Excusez-moi, j'ai encore pété. Elle est sortie de mon sphincter, expulsée, ramenée à la frontière de la cavité. Oups, désolé, j'ai pas fait exprès. Excusez-moi, j'ai encore pété. Elle est sortie de mon sphincter, expulsée, ramenée à la frontière de la cavité. Comment Ruquier enlève sa capote en pétant? Ruquier, remember, is condemned by farting. Dono, la criale, wawagio sakuzo, onaranyoru. Virus guion insane mental? Farting, farting, farting, farting. Come Ruquier toglie il cappotto? Per farting, sì, sì, per farting. Oups, désolé, j'ai pas fait exprès. Excusez-moi, j'ai encore pété. Elle est sortie de mon sphincter, expulsée, ramenée à la frontière de la cavité. Como Ruquier quita su abrigo? Por pedos. كيف يزيل روكر معطفه؟ بواسطة يضرط. ألا أكبر ألا أكبر ألا أكبر ألا أكبر. كفرق سنيمايت فالتو بتردوش. أتوكي ركوا يوزاشيني كوتلو تسيغو حنجي إغو. Miten Ruquier poistaa tainsa? Vii farting. How Stevie pushes Candom into Ruquier? By Soda Amazing. Ruquier es el flotador. El flotador pedos para quitar el abrigo. Porque es el flotador. Y el flotador es Ruquier. Oups, désolé. J'ai pas fait exprès. Excusez-moi, j'ai encore pété. Elle est sortie de mon sphincter. Expulsé, ramené à la frontière de la cavité. Alors, comment fait Laurent Ruquier pour retirer ses capotes? Non? Hein? Hein? En pétant! Oh, punaise, je vais avoir des problèmes. Tu sais comment Ruquier enlève sa capote? Non, mais tu m'as déjà fait. En pétant? Parce qu'il est pédé. Il t'appelle. Il est pédé. Donc Ruquier enlève sa capote en pétant. Tu postillonnes à chaque fois. Oui, je postillonne, mais on s'en fout. Il y a comme qui t'appelle. Mais on s'en fout. Je te dis, tu sais comment Ruquier enlève sa capote? Oui. Comment? Je sais plus. Mais en pétant. Parce qu'il est pédé, il prend sa capote dans son cul.